franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, second épisode consacré au putsch des généraux en Algérie avec la fiction intitulée Algérie 61, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Cédric Ossire. Hier, dans le récit documentaire, nous vous avons fait revivre ces journées d'avril 1961 du côté du pouvoir, auprès du général de Gaulle et des hommes qui l'entourent. Aujourd'hui, grâce à cette fiction écrite par Renaud Meyer, c'est au cœur d'une section que vous allez suivre les questionnements des soldats appelés du contingent, gradés ou non, face à ce dilemme, faut-il suivre les putschistes ou rester fidèle au général de Gaulle? Et aussi, pourquoi sont-ils en Algérie? S'arrêter sur les événements d'avril 61, c'est s'interroger sur le rôle de l'armée en Algérie en ces temps où l'Empire n'était déjà plus qu'une fable inscrite dans les manuels scolaires face à ce qui devenait en revanche une réalité, l'aspiration des peuples colonisés à choisir leur destin. Nous allons donc nous placer à hauteur de ces hommes tiraillés entre leur histoire personnelle, leur milieu social et politique et la famille des armes, celle pour laquelle ils se sont engagés ou dans laquelle ils ont atterri dans le cadre de leur service militaire. Alors, rester dans les rangs de cette armée au risque de devoir prendre les armes contre d'autres soldats, d'autres Français, ou entendre la voix des indépendantistes? Si en Algérie, pendant 8 ans, beaucoup d'appelés ont perdu leur jeunesse et n'ont ramené souvent de ces années de service que des cauchemars, celles des patrouilles et des tortures, pendant le putsch, ce sont les anciens, les décorés, qui se sont perdus dans une aventure sans but. D'où cette autre question, le putsch est-il le dernier acte d'une époque qui s'éteint, celle des généraux et de l'Empire? Pour poursuivre cette histoire, nous recevrons après la fiction l'historien Benjamin Stora, spécialiste notamment de la guerre d'Algérie. Son dernier ouvrage est une bande dessinée, elle s'intitule « Histoire dessinée de la guerre d'Algérie », coécrite avec Sébastien Vassan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Algérie 61, de Renaud Meyer. Debout là-dedans. C'est quoi ce bordel? J'ai dit debout. Quelle heure? 5 heures. Merde, 5 heures. Allez, fie ça, la bleusaille. Qu'est-ce qui se passe, chef? Il y a du grabuge ou c'est un exercice? Je veux plus voir une seule affaire à vous dans cette chambre. Rassemblement dans une demi-heure. On plie bagage? Vous allez vous installer dans l'école de cavalerie. Mais il n'y a rien pour piéter. Vous allez planter les guitounes. Eh ben, tu vois le postier. Tu voulais crapahuter et jouer les petits soldats au milieu du Djebel, eh ben, je vais le servir. Tu parles d'une guerre, qu'est-ce qu'on va foutre à l'autre bout de la caserne? Mais pourquoi on déménage, chef? Faut laisser la place. Le premier régiment de cavalerie arrive ce soir. Mais pourquoi on leur laisserait la place? Parce que c'est des militaires, pas des bleubites. Oh, la quille, bordel! Ta gueule, poussin! Ils rentrent du bled. Ils ont besoin de vrais lits et d'une bonne douche. Il faut qu'ils soient impeccables, c'est les ordres. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, chef? Tu sauras ça plus tard, Bénard. Allez, rangez vos affaires. Putain, des vrais de vrais. Qui reviennent du bled et qui ont zigouillé du Fellouze. La quille, bordel. Ta gueule, poussin. 120 au jus. T'es pas sorti de l'auberge, ils vont peut-être te garder. Pas possible. Ça sent pas bon, ce déménagement. Y a des trucs qu'on sait pas, qu'ils veulent pas nous dire. Un coup de charlot à la quille qui va nous rajouter 6 mois chacun. Et bah si tu veux remplir, remplir, le postier, bah oblige pas les autres. Hein. Le postier, il s'emmerde dans le civil, c'est pas sa faute. Remarque, je le comprends. Les mandats, les télégrammes, les colis, c'est pas la joie. T'as un truc contre les fonctionnaires? Bah, je fous de rien. Oh, mais t'aimes pas les gens qui travaillent non plus. J'aime pas les riches qui prennent du pognon sur le dos des pauvres. Et les pauvres, tu les aimes? Trop cons pour gagner du blé. T'aimes personne. Ta gueule, poussin. Je suis sûr qu'il se trame un truc. Tu peux allumer ton poste, Bénard? Caporal, Bénard. Ça va péter à Alger, je suis sûr. Ils vont nous déloger de nouveau les pavés, ils vont installer leurs barricades. Ça va être reparti pour les grèves. Ça en finira jamais, cette guerre. La photo, colon. Ah, mais tu préfères les fêles? Boum, boum. J'en ai marre de les entendre gueuler. Algérie française. Bah, dites pas de mal des pieds noirs. Hein, Bénard? T'es toujours avec ta copine. Ça va, les gueules. Gardez vos commentaires. Oh, et tu crois quoi, toi, Bénard? Ça va finir un jour? J'en sais rien. T'as fait des études? Mais j'ai pas appris à lire dans une boule de cristal. J'écoute la radio comme toi, j'attends les instructions, je maintiens l'ordre, je pacifie. Mais tu sais pas qui va gagner? Il y a eu un référendum. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce référendum? Que quand la sécurité sera rétablie en Algérie, les Algériens décideront de leur sort. Ouais, mais c'est encore le bordel. Donc, on reste. Et les pieds noirs? Les pieds noirs, comme tu dis, aussi. La bombe atomique, qu'on en finisse. La quille, bordel! Non, mais ta gueule! T'es prêt? Enlève-moi ton garde-manger, Guignard. C'est quoi ce souk? C'est pas un foyer, ici. À vos ordres, chef. Pourquoi on bouge et pas les autres? Tout le monde bouge, Madec. Vous plantez les guitounes et vous attendez les ordres. Et on fait quoi en attendant les ordres? Tu joues au Monopoly, tu fais des Scooby-Doo, tu vas t'envoyer des bibines au foyer, tu te tapes Brigitte Bardot, je m'en fous. Les vrais militaires, on doit travailler du béret dans les bureaux. Ça va changer. Tu veux une petite corvée pour commencer la journée, Madec? Merci, chef. Des généraux ont pris le pouvoir sur le territoire algérien, alors ça change la donne. Des poireaux français? Pas des fêles, Guignard, je serais pas là. Des généraux ont pris le pouvoir en Algérie? La qui, bordel? Mais ta gueule! Ouais. Là. Allez. La guerre d'Algérie aura duré 8 ans. Deux fois plus que la Seconde Guerre mondiale. Une guerre sans nom, émaillée de violences et de tortures, qui aura fait des centaines de milliers de morts chez les musulmans et provoqué l'exode de 800 000 pieds noirs. Un conflit sans fin, responsable de la chute de la 4e République et du retour du général de Gaulle au pouvoir. Un déchirement terrible, qui résonne encore aujourd'hui de multiples manières. C'est dire son importance au regard de l'histoire politique française du XXe siècle et de celle de l'Algérie contemporaine qui lui doit ses origines. Le conflit algérien est sur le point de trouver une issue lorsque le 21 avril 1961 éclate le putsch des généraux. Le général de Gaulle assiste à une représentation de Britannicus à la Comédie-Française en compagnie du président Léopold Sédar Senghor, lorsqu'il apprend que les généraux Salan, Challes, Jouot et Zeller ont pris le pouvoir en Algérie. Un conseil extraordinaire est improvisé dans les salons du théâtre français. C'est le début d'un bras de fer inédit. Les bérets verts du premier EP. Je savais bien qu'ils se préparaient quelque chose. Mais pas de l'ordinaire, pas du petit spectacle de Fellouze. Ce coup-ci, c'est du grandiose. L'opération 5 étoiles, avec de la tenue et des paras qui en imposent. Ah, ça te plaît les baroudeurs, hein? Tout dans le mouvement des épaules? Rien sous le béret. C'est pas des enfants de cœur. Ils ont tout pris. Le palais du gouverneur, l'aéroport, l'hôtel de ville. Ces fils de pute contrôlent tout le territoire. Ah bah tout sauf moi, je te le dis. Tiens. Ça va bouger, chef? Vous avez écouté Radio Alger? On a entendu qu'à vous. Le bobino de Bénard avait plus de piles et le mien a rendu l'âme. Achetez-vous un spint. C'est quand la solde, bordel? Le général Challes a pris le pouvoir en Algérie, les bleubites. Salan est en route pour le rejoindre. On va faire plier De Gaulle. Pas question de brader l'Algérie. Vous en êtes, chef? J'ai jamais désobéi aux ordres. Chef, c'est un putsch militaire, un coup d'État. Vous pensez que tout le monde va suivre Challes et Salan? Et que De Gaulle va leur laisser l'Algérie comme terrain de jeu? Bon, écoute-moi bien, Bénard. Trop du cul d'appeler qu'est jamais allé sur le terrain. Il y a 3 ans, De Gaulle nous a dit que notre mission, c'était de garder l'Algérie française. Mettez-y toute votre énergie, toute votre détermination qui nous a balancés. Moi vivant, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur Alger, j'entends encore, à Mostaganem. L'Algérie restera française, tous français, de Dunkerque à Tamanrasset. Alors je peux te dire que cette mission, on va l'amener jusqu'au bout. On va lui tenir ses promesses, au grand Charles. De Gaulle a changé d'avis, chef, on est d'accord, il est pas clair. Mais sur le fond, il a raison. La France doit se tourner vers son avenir économique, pas vers son passé colonial. Ah, l'étudiant qui nous fait la leçon. La vérité, c'est que la guerre, ça coûte cher en hommes. Et côté pognon, ça explose les compteurs. La solde. Oh, ta gueule. On perdra pas l'Algérie comme on a perdu l'Indo, t'entends? Si on laisse derrière nous nos musulmans, ils vont se faire égorger comme des moutons. Mais vas-y, Bénard. Va dire à Mohamed, qui t'a suivi sans broncher pendant des mois, que tu le laisses aux mains des Fellouzes. Mais je te parle pas des pieds noirs, hein. De Gaulle, il s'en fout. Il les abandonnera avec les goumiers, comme on a laissé tomber les unités viettes. Il préfère bichonner le FLN. Le chef a pas tort. Pense à ta copine, Bénard. T'as une copine ici, Bénard? Une petite Française d'Algérie? Et beau papa est plein aux as. Ta gueule, poussin. Et c'est ça que tu vas lui raconter à ta poupée? Que De Gaulle a raison? Qu'il faut donner le pouvoir au FLN? Les pieds noirs se sont fait baiser, et nous aussi. L'indépendance est une évidence depuis des mois, vous le savez. Tout le monde se voile la face. Ça, c'est le folklore algérois. C'est un complot, fomenté par les communistes. Il va falloir obéir aux ordres de Challes et Salan, chef. Tu verras bien. Pour le moment, on s'organise sans les amateurs. Mais si je vous dis rassemblement en tenue de combat, je veux pas voir une tête dépassée. Et il y a beaucoup de régiments d'appelés prêts à participer. Ouais. Le 14e RCP, le 18e, le 27e Dragon, des commandos de l'air. Ça va chercher dans les 1000 hommes, ça. Et combien de libérables? Bon, fais pas le malin, Poussin. 'Garde à vous. Repos. Eh ben, qui compte pas sur moi. Tu vas désobéir? Pour répondre au coup de force des généraux en Algérie, de Gaulle prononce au soir du 23 avril 1961 un discours sans concession, retransmis à la télévision et sur Radio Monte-Carlo. Revêtu de son uniforme militaire, le chef de l'État y maîtrise l'art de la formule, fustige ce quarteron de généraux en retraite, ce groupe fanatique et ambitieux qui mènera tout droit le pays au désastre national. De Gaulle interdit à tout Français, et surtout à tout soldat, d'obéir à leurs ordres. Il annonce l'application de l'article 16 de la Constitution, qui lui donne les pleins pouvoirs, et termine son allocution par un « Français, Française, aidez-moi ». Les effets de cet appel ne se font pas attendre. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Tu vas la fermer, Madec? Moi aussi j'ai pris ma décision. Tu vas repeindre en blanc tous les trottoirs de la caserne. Vous avez entendu De Gaulle, chef? Il faut désobéir. Tu pourrais faire une corvée de bois? Oh, je préfère laisser ça aux spécialistes dans votre genre. Et quand t'auras des fêles au cul, tu la ramèneras moins. Vous venez nous annoncer qu'on est tous libérables, chef? Je vous déconseille de désobéir aux ordres du général Schall. Pourquoi qu'on se bat, chef? Depuis le début, on se demande, qu'est-ce qu'on fout ici? On pacifie. Pacification, mon cul. Je me suis jamais débiné devant l'ennemi, Madec. Mon grand-père a fait les Dardanelles. Mon père le Maquis et moi l'Indo. On se dégonfle pas dans la famille. Question d'honneur. On obéit aux ordres. On a le respect des chefs. Schall a dit qu'on devait rester, et il se trouve que le colonel de mon régiment obéit au général Schall. Alors moi, j'obéis aussi, sans moufter. Et je te demande de faire la même chose. Moi, je vous suis, chef. Ben voilà. Très bien, Guignard. T'iras loin. T'as l'esprit de corps. T'as pas envie de voir disparaître ton régiment. T'entends, Madec? Ça, c'est un homme. Il a des couilles, ton pote. Il sait pourquoi il est là. Et toi, Bénard, tu suis la rébellion? Ou tu chies dans ton froc? J'interdis à tout Français et surtout à tout soldat d'obéir à leurs ordres. Dixit le chef de l'État. Parce qu'il a été légaliste, lui, en 40? Il s'est rebellé contre l'État parce que l'État, c'était des collabos. On fait comme De Gaulle en 40, Bénard. Sauf que vous, vous êtes prêt à faire des victimes parmi les civils. T'aimes bien jouer les fortes têtes, hein, Bénard? Pas la peine de vous acharner, chef. Vous êtes pas dans le bon camp, je vous le dis. Toute la France est derrière De Gaulle. T'es sûr? Ah bah, écoute la radio. À gauche comme à droite. Je me fous de la politique. C'est pas de la politique, c'est des gens, des Français. Ils sont tous contre la révolte militaire. Personne pour vous soutenir. Va dans les rues d'Alger, t'as tous les Français qui braillent Algérie française en tapant sur des casseroles. Et ils ont le droit. Ils désobéissent pas au chef de l'État. Vous, si. On va la gagner, cette guerre. Vous tiendrez pas. Vous avez juste quelques jours de ravitaillement. T'es sûr, Bénard? Si, te le dis. Il te reste combien, Bénard? Et toi, Madec? Combien au jus? Putain, 302 au jus. La quille! Les généraux ont promis aux appelés de réduire tout le monde à 18 mois. Tu pourrais retourner chez toi, fils, hein? Réfléchis. Les appelés vous suivront pas, chef. Comptez pas sur nous. On la mènera, cette opération. Avec ou sans vous. Vous avez toujours mené votre petite guerre sans rien demander à personne, c'est votre habitude. Tu te crois invincible, Bénard? Parce que De Gaulle t'a ordonné de désobéir? De désobéir aux putschistes, pas à l'armée, chef. Putain d'un télo. J'aime pas les putschistes. J'aime pas De Gaulle non plus. À Paris, la peur gagne les esprits. Les chars sont dans la rue. Les salles de spectacle fermées. Les vols suspendus. Les transports en commun ne fonctionnent plus. le Premier ministre Michel Debré évoque à la télévision la possibilité d'une propagation du coup d'État dans la métropole. La mutinerie de l'armée provoque une crise grave et la guerre d'Algérie emporte la France dans son tourbillon. Le 24 avril 1961, les généraux Challes, Salan, Zeller et Jouhaud sont acclamés par une foule immense au Forum d'Alger. Le général Challes y déclare « Nous garderons ce sol à la patrie ». Christian, mon ami, où tu étais ? J'ai pas pu me libérer. Avec cette foule dans les rues d'Alger, impossible d'avancer. Tu les as entendus ? Oh, la fin, juste la fin. Tu as vu la ferveur des Français ? Tous ces gens. On dit que nous sommes près de 100 000, c'est incroyable. Mais ça durera pas. Qu'est-ce qui ne durera pas ? Mais ça peut pas durer, Annette. Toute cette pagaille, cette rébellion militaire, ça va trop loin. Tu n'es pas de leur côté ? Ce discours au Forum, c'est une mascarade. Ils savent très bien qu'ils ont perdu. Combien de régiments vont les suivre ? Très peu. Ce tapage, c'est un baroud d'honneur. Mais il y a nous, les Français. Les Français d'Algérie, mais pas la métropole. On est Français autant que vous. Je suis algérienne comme ta mère est bretonne, pas plus, pas moins. Quand la France a eu besoin de nous pour la défendre en 39, ma famille était là, tout le monde a répondu à l'appel. Et maintenant, on serait moins Français que vous ? J'ai jamais dit ça. Il y a du mépris dans tes yeux, Christian. Pas de l'amour, du mépris. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je t'aime, Annette. Tu m'aimes parce que tu n'as personne d'autre à aimer en Algérie. Tu m'aimes comme un pathos aime une Française d'Alger. Tu m'aimes jusqu'à un certain point. Je t'aime, mais la situation ici, en Algérie, c'est plus possible. Mes parents t'ont accueilli à bras ouverts, comme si tu étais leur propre fils. Ils t'ont couvert de cadeaux. Tu as même dit à mon père que tu serais prêt à t'installer à Alger ou à Oran, dès que tu serais dégagé de tes obligations militaires. J'adore ce pays, mais les Français n'ont plus rien à y faire. Il faut partir. C'est fini, l'Algérie de papa. De Gaulle et le FLN, ça t'est monté à la tête. Il y a eu assez de morts comme ça, Annette. Chez les musulmans et chez les Français, même les appelés ont payé le prix fort. Palestro, c'était un carnage. Il faut en finir avec cette boucherie inutile. Alors toi aussi, tu nous lâches, comme tous les autres. Mais qui vous a lâché ? Les soldats ? Parce qu'ils ont ménagé leur peine pour les colons, les soldats ? Arrête de dire les colons ! Qui a protégé les plantations de tes amis ? J'en vois jamais des fils à papa nés en Algérie dans les rangs de l'armée. Ils sont où ? Planqués dans les bureaux. Mais tu as toujours dit que tu étais heureux de contribuer à la pacification de l'Algérie, d'aider les Français à faire prospérer ce pays. Je n'ai rien contre ton père, mais les autres... Quels autres ? Les autres, le genre de colons qui font payer l'eau potable aux appelés venus les protéger. C'est dégueulasse. Sans parler de la façon dont ils traitent les Arabes. Tu n'as jamais parlé comme ça, Christian. Je ne te reconnais pas. Ras-le-bol de cinéma, de cette pacification déguisée. C'est le moment de partir et il faudra bien vous y faire. Jamais je ne partirai d'ici. Tu feras comment ? Les pieds noirs ne sont rien sans l'armée. C'est elle qui mène la danse. Et bientôt, elle pliera bagage, faute de combattants. Tu oublies tous ces gens dans la rue. C'est de l'agitation, un pique-nique bon enfant, pas un coup d'État. Il vous manque un représentant politique d'envergure pour donner de la voix. Personne n'entend les pieds noirs, pas même De Gaulle. Et nous ? Nous deux, Christian. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Tu viendras en France et on se mariera. On aura des enfants et tu leur raconteras comment c'était l'Algérie. Ne parle pas de malheur. Je te parle de bonheur, de notre bonheur à tous les deux. Annette. Le putsch des généraux est un échec. Le 27 avril 1961, tout rentre dans l'ordre. Les gendarmes mobiles reprennent la délégation générale. Le général Challes se constitue prisonnier. Salan fuit en Espagne et le couvre-feu est instauré pour tout le monde à Alger. Les journaux cessent de paraître. La rébellion n'aura duré que quelques jours, faute du soutien des appelés du contingent, qui dans leur immense majorité n'ont pas suivi le mouvement. Commence alors une purge militaire, où des centaines d'officiers sont accusés d'avoir tenté de prendre le pouvoir sur le sol algérien. Ah ! Alors, chef, on est rentré dans le rang ? Le colonel a bien réfléchi. Finalement... Il a décidé de barrer la route aux méchants putschistes, alors l'adjudant-chef aussi. Pour une fois qu'on n'obéit pas aux ordres, on a eu du pif. Hein, chef ? Le colonel voulait connaître le sentiment des compagnies, c'est tout. Vous pouvez nous remercier de notre sentiment, chef. Faut toujours écouter De Gaulle. Vous êtes que de la bleusaille, tout juste bonne à balancer des grenades à plâtre. De la bleusaille qui a du cœur, on aurait pu vous dénoncer. Ah, par les temps qui courent... Le deuxième classe dénonce son capitaine, le capitaine dénonce son colonel. J'ai rien fait d'illégal. Personne ne me dénoncera. Si. Moi. Guignard. On t'entend jamais, puis d'un coup tu sors de ton colis postal. Et tu vas leur dire quoi, à l'état-major ? Que vous avez cassé du raton, comme vous avez cassé du viette. Vous croyez qu'on va vous laisser emporter tranquillement en métropole vos souvenirs de tortionnaires ? Tortionnaires ? Comme tous les anciens légionnaires nostalgiques de l'Indochine. Tout est bon pour obtenir des infos, hein, chef ? Pillage, viol, et pourquoi pas la brasse coulée dans une baignoire toute neuve ? Et la Gégène ? C'est jamais un petit rock'n'roll histoire de se bouger le troufignon à coup de 220 volts ? Moi, je croyais que le téléphone servait à parler, pas toi, Madec ? Ah bah si. Bah non, il sert à faire parler. Ah, je vois pas de quoi tu parles. C'est vous qui m'avez raconté, chef. Plusieurs fois. Vos exploits au bled. Vous vous souvenez pas ? Après, vous m'avez emmené Villa-Martin un soir, dans le quartier Bellecour, pour vous aider en salle de travail. J'ai pas voulu entrer, alors vous m'avez traité de mauviette. Ferme-la, Guignard. Personne croira tes conneries. Tu me crois, Bénard ? Ouais. Et toi, Madec ? Ah, ça m'étonnerait pas de l'adjudant-chef. Bande de trous du cul. Les trous du cul n'ont jamais torturé personne. Mais c'est la guerre. C'est facile de jouer les vierges effarouchées. Et quand tu seras devant le cadavre d'une gamine innocente égorgée par des fels, tu feras moins la fine bouche. Ah, parce que le jeune que vous avez frappé toute la nuit à coups de nerf de bœuf sur les couilles, la tête à l'envers, pendu à une poutre, et qui vous suppliait d'arrêter, hein, c'était pour la fine bouche. J'ai jamais fait ça. Vous m'avez tout raconté en détail. Aucune preuve. C'est la pacification, Guignard. Tu connais rien à la politique. Le chef a voulu suivre le plan Constantine à la lettre. Redonner aux Algériens leur dignité d'homme. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, Bénard ? C'est les méthodes du DOP, j'y peux rien. Allez, corvée de bois pour tout le monde. Ça, c'est sûr qu'il n'y a que des volontaires au dispositif opérationnel de protection. Qui veut torturer son raton ? Gardez toujours un peu de lessive sur vous. Ça marche très bien avec un entonnoir dans la gorge pour savoir où se cachent les félous. On vous a raconté trop d'histoires. On sait que vous avez été muté ici parce qu'au bled, vous étiez un peu trop volontaire, chef. Ferme-la, Bénard. On n'a pas de preuve que vous avez appris la brasse coulée et manié le nerf de bœuf sur des ratons pas assez coopératifs. Mais on était tous là, quand vous nous avez demandé de désobéir aux ordres. C'est pas des types comme toi qui vont me barrer la route. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Après le putsch, près de 200 officiers sont sanctionnés. Des régiments sont dissous et des unités commencent à regagner la métropole afin d'amorcer le désengagement de la France en Algérie. La solution politique voulue par De Gaulle semble voir le jour. Mais malgré les accords d'Évian, l'heure n'est pas à l'apaisement. D'anciens officiers et des pieds noirs ont créé l'OAS. Cette organisation clandestine est déterminé à continuer le combat pour l'Algérie française. L'OAS plastique tout dans Alger, multiplie les attentats jusqu'en métropole, faisant plus de morts en 6 mois que ceux du FLN en 6 ans. Cette tragédie rend la présence française dans une Algérie indépendante tout à fait impossible. Le 5 juillet est proclamée l'indépendance de l'Algérie. La guerre est finie. C'était Algérie 61, de Renaud Meyer. L'adjudant-chef, Éric Arson-Macarel. Bénard, Swann de Marsan. Madec, Florent Houllier. Guignard, Benoît Marchand. Poussin, Arnaud Pfeiffer. Annette, Marie Mosser. Narratrice, Peggy Martineau. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Arnaud Chapatte. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse, Julie Briand. Réalisation, Cédric Ossir. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Comment avez-vous appris que quelque chose se passait à Alger ? Bien, d'abord par la radio, et ensuite par notre commandant de compagnie. Vous avez été inquiet ou non ? C'est-à-dire non, on n'était pas tellement inquiet, quoi. Nous, on attendait les ordres de nos chefs pour vraiment savoir à quoi s'en tenir et quoi faire d'après les événements qui allaient suivre, quoi. À quel moment avez-vous été le plus inquiet pendant ces 3 jours ? Enfin, je pense que c'est lorsqu'on nous a annoncé à Radio France qu'il y avait un X régiment qui se ralliait et que le contingent suivait en particulier. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là ? J'ai pensé que c'était pas possible. Vous n'avez pas cru alors ? Je n'ai pas cru. Vous avez entendu l'appel du général de Gaulle à 8h le dimanche ? Oui, oui, affirmatif. Nous l'avons tous entendu d'ailleurs. On a pris le relais avec la métropole, avec le poste de métropole. Quel sentiment avez-vous eu à ce moment-là ? Un grand sentiment de soulagement d'abord, parce qu'on avait le général de Gaulle derrière nous d'abord. Deuxièmement, vraiment, ces sentiments, c'était les nôtres. Après le discours du général de Gaulle, vous avez pensé que peut-être vous seriez appelé à ouvrir le feu sur les insurgés ? Oh, quand même pas, non, parce qu'on n'envisageait pas d'en aller jusque-là, parce que on pensait qu'il fallait que ça s'arrête avant, quoi. Il n'était pas possible que des soldats de contingence tirent dessus, quoi. Mon point de vue, et je pense qu'un soldat du contingent n'ouvrira pas le feu contre un autre soldat du contingent. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Algérie 61, notre invité, l'historien Benjamin Stora. Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous étiez déjà avec nous hier pour le premier volet de ces 2 émissions que nous consacrons au putsch d'Alger. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du Maghreb et de la guerre d'Algérie, sujet que vous abordez dans de nombreux ouvrages. Je vais reciter d'ailleurs les 2 derniers, je les ai cités hier, mais je recommence. La guerre d'Algérie, vue par les Algériens en 2 tomes qui viennent de ressortir en poche, et puis une BD co-signée avec Sébastien Vincent au Seuil, s'appelle Histoire dessinée de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, vous êtes également à la tête du musée de l'histoire de l'immigration. Alors, je sais, Benjamin Stora, que les historiens n'ont pas une inclination particulière pour le témoignage privé, ou parler d'eux, mais enfin, à l'époque, vous, du putsch, vous aviez 11 ans, hein, vous étiez à Constantine, je crois, auprès de vos parents. Alors, je sais qu'à 11 ans, on n'a pas forcément une conscience politique, mais on ressent des choses, et puis on entend les adultes qui parlent. Quels souvenirs vous gardez de ces journées ? Ah bah, c'était des journées d'angoisse, quand même, pour l'enfant que j'étais, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir dans les rues, par exemple, pour jouer, alors que, bon, quand on a 11 ans, quand même, on a cette volonté, ce désir d'aller dans la rue. Donc ça, c'était pas possible. On restait confinés dans les terrasses. Impossibilité, bien sûr, aussi d'aller à l'école. Hein, donc ça, tout était fermé, bien entendu. On avait le sentiment d'une ville morte, hein, qui se refermait sur elle-même, se repliait sur elle-même. Donc il y avait une grande incertitude. Mais en même temps, il y avait aussi, c'est peut-être pour des parents à moi, des pieds noirs, quoi, des Européens d'Algérie, d'espoir peut-être que l'Algérie allait rester française. Le sentiment anti-gaulliste quand même était quand même assez fort, hein, dans le monde européen, dans le monde pieds noirs de cette époque-là. Et il y avait ce sentiment qui se répandait de plus en plus de la trahison, hein, du général de Gaulle. Et donc à partir de là, bon, l'espoir a été très vite déçu. Mais il y avait aussi des membres dans ma famille qui étaient partisans du général de Gaulle et qui pensaient que cette aventure était sans issue. Ensuite, moins d'un an plus tard, je crois que c'était en juin 62, un peu plus d'un an, en juin 62, après les accords d'Évian, bah vous quittez l'Algérie avec votre famille. Quel est le sentiment en ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, 12 ans, on suit ses parents d'abord. Bien sûr, mais on a la volonté, disons. Parce que vos parents ressentent, ça se communique bien quand sûr, même. Hein. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment qui est très très simple, que j'ai raconté d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle Les Clés retrouvées, où on a vraiment le sentiment très fort que c'est un départ sans retour. Ma mère avait nettoyé consciencieusement l'appartement avant de partir, etc. On savait, avec ma sœur notamment, que c'était pas un départ en vacances, quoi. Parce qu'on était au mois de juin, il faisait chaud, évidemment. Mais on savait qu'on partait pas à la plage et on savait qu'on allait plus jamais revenir. Je sais pas pourquoi, mais c'était quelque chose qui était ancré en nous. Parce que, depuis notamment le putsch d'avril 61, on savait que c'était fini l'Algérie française. Mon père se renseignait sur ce qu'il fallait qu'il fasse comme démarche. Il était commerçant, il était un peu perdu. Donc il y avait des discussions interminables qu'avaient mes parents, notamment la nuit. Et puis vous savez, les enfants écoutent toujours, hein, les conversations des parents, parce que les parents s'imaginent qu'ils entendent rien. Mais en fait, nous étions très angoissés à cette idée de devoir tout quitter, en fait. Donc on se préparait à ce départ depuis des mois déjà. Et lorsque le moment du 12 juin 62 est arrivé, ce moment de départ définitif, on savait que c'était un moment grave et un moment, oui, définitif. Bien, alors nous allons maintenant parler de cette armée. Qu'est-ce que l'armée en Algérie? Qu'est-ce qu'elle représente? Je vais préciser ma question quand même. L'armée est un corps multiple, pluriel. Là, en l'occurrence, il y a les gradés, il y a le contingent, il y a ceux qui viennent de métropole ou d'Algérie, il y a les appelés, il y a les rappelés. Hein, toute une génération. Hein. Qui part, qui prend les armes. Est-ce qu'on connaît la proportion des appelés, de ceux qui font leur service militaire en 1961? Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble de l'armée et des troupes? Il y a environ 450 000 hommes, hein, qui stationnent en permanence sur le territoire algérien. Donc ça veut dire que c'est pratiquement tous les jeunes hommes qui sont nés à la fin des années 30, qui sont en Algérie. Toutes les classes sociales sont représentées. Et par conséquent, toutes les familles françaises métropolitaines sont au courant et suivent avec une extrême attention ce qui se passe en Algérie. On sait que le transistor va jouer un très grand rôle, hein, dans l'échec du putsch, bien sûr. Mais les familles elles-mêmes sont en métropole, sont accrochées au transistor. Donc c'est une armée d'abord de... J'allais dire une armée du peuple, c'est une armée d'hommes du contingent. Hein. Et puis c'est aussi une armée de professionnels aguerris, parce que beaucoup de soldats, d'officiers, sous-officiers, d'actifs qui sont en Algérie ont déjà derrière eux la résistance, qui est pas très loin, puisque c'est seulement 10-15 ans, 15 ans la résistance, et surtout l'Indochine. Beaucoup d'officiers, sous-officiers français qui sont engagés en Algérie ont fait la guerre d'Indochine. Ils ont l'expérience indochinoise dans leur tête et dans leur cœur, et c'est quelque chose pour eux qu'ils ne peuvent pas oublier. Donc il y a effectivement un contingent qui a cette volonté, cette aspiration, ce désir de vouloir en finir, de rentrer, de prendre un travail, quoi. Et puis il y a au contraire beaucoup, beaucoup d'officiers supérieurs qui, eux, ne veulent pas trahir le serment qu'ils se sont fait à eux, notamment après Dien Bien Phu. كنت بائس كنا رائعين بس اني سا ما بغيتش نصيدك نوعدك والله راني ما مجوش من البارح ممكن لياش نولد ولكن ارجعي خمسة دقائق ما سبيتكش ادب لطيف وشوية سكران بزاف ورجال بحالي عندك حاجة مديري كون شفتيني البارح كنت Donc, nous continuons à explorer la psychologie, j'hésite pas à employer ce terme d'ailleurs, la psychologie des militaires embarqués dans cette sale histoire, finalement. Là, je parle surtout pour les appelés du contingent. Il y a aussi la question du retour, c'est-à-dire que ces jeunes-là ont vécu des choses qu'ils n'auraient pas voulu vivre, qu'ils n'auraient pas voulu voir, notamment la torture. C'est une vraie question, la question du retour. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont pu parler, ce qu'il voulait ne pas en parler, racontez-nous. Il y a beaucoup, beaucoup de livres hein, qui racontent cette histoire. Énormément, des centaines, j'allais presque dire des milliers d'ouvrages de gens qui ont raconté, en fait. Parce que j'ai dit cela volontairement, parce que ça veut dire qu'ils ont voulu quand même raconter, parler. Ouais. Hein, ça, c'est contrairement à une légende. Mais, vous savez, entre le moment où ils partent de métropole et le moment où ils reviennent, le pays n'est plus le même. C'est ça le grand problème. Il n'est plus le même, d'abord parce qu'eux-mêmes ont vieilli très vite. Ce sont devenus des adultes, c'était des jeunes hommes, enfin ils étaient des gamins quand ils partaient en Algérie. Ils avaient 18, 19, 20 ans, ils revenaient, ils en avaient 22, 23, 24, et ils avaient brusquement vieilli. Parce qu'ils avaient vu des choses absolument terribles, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont vu la mort de leurs proches, etc. Et puis le pays lui-même a changé, parce que à la fin des années 50, au début des années 60, nous sommes en plein dans les 30 glorieuses. C'est-à-dire que c'est la société de consommation qui commence, c'est la musique, le rock'n'roll, Elvis Presley, c'est fini Luis Mariano, hein, c'est fini le cinéma en noir et blanc, c'est fini Jean Gabin, on est rentré dans un autre cinéma, qui est celui de Jean-Luc Godard avec à bout de souffle. C'est tout ça. Donc la France qu'ils ont quittée n'est plus la France qu'ils vont voir à leur retour et qui, quelque part, effectivement, ne veut plus les entendre parce que ce sont un peu des témoins gênants de cette histoire que l'on cherchera et vraiment à oublier. Oublier l'Algérie, oublier tout cela. Et c'est ce qui sera le cas, d'ailleurs, parce que 5 ans après l'indépendance de l'Algérie, en 68, 5 ans après, c'est peu 5 ans, hein, ce seront les événements de 68, avec une nouvelle génération qui rentre en scène et qui va effacer la génération des Djebel, la génération algérienne. Alors, dans notre récit, on n'en est pas là, donc je reviens sur les 4 généraux putschistes que de Gaulle qualifiera de quarterons de généraux en retraite. C'est bien vu d'ailleurs, hein, parce qu'une armée en retraite, c'est aussi une armée qui recule et qui s'en va. Quel est le profil de ces messieurs Salan, Challe, Jouot, Zeller? Peut-être sont-ils des hommes différents, mais avec une idéologie qui les réunit quand même. C'est quoi leur profil? Le profil d'abord, c'est que ce sont des hauts gradés de l'armée française. Ce sont pas des gens simplement à la retraite, complètement dépassés dans la hiérarchie. C'est pas vrai. Je veux dire, ça a été la magie hein, du verbe du général de Gaulle que de les ringardiser. Bien sûr. Mais en fait, ils étaient en exercice. Hein. Je pense notamment à Challe, qui a organisé ce qu'on appelle le plan Challe en 1959, où toutes les unités de l'armée française étaient engagées contre les Katibas de la Hélène. Et ça a été une bataille absolument terrible. Et il a été ce général en chef mettant en œuvre ce plan comme une sorte de de rouleaux compresseurs sur l'ensemble du territoire algérien. Donc ce sont des gens expérimentés, bien entendu. Mais encore une fois, ces quatre généraux à la retraite, ce fameux carton, ils ne sont pas seuls. Lorsqu'on verra l'échec plus tard de ce putsch, bah, on s'apercevra que des centaines et des centaines d'officiers supérieurs de l'armée française ont été arrêtés ou sont partis eux-mêmes volontairement et ont quitté l'armée française. Donc ils n'étaient pas si isolés que cela à l'intérieur de l'armée française, puisque plus d'un millier d'officiers supérieurs de l'armée française soit ont été arrêtés tout de suite après le putsch, soit ont quitté l'armée française. C'est beaucoup d'officiers supérieurs. Alors, il y a quand même un élément qu'on a du mal à comprendre. Ces gens-là, Salanche, Aljou et Zeller, ce sont pas des idiots, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se lancent dans une aventure. Ils doivent bien sentir quand même que les forces sociales, les forces politiques ne sont pas avec eux. Et, circonstance très aggravante, qu'il y a au sein d'une armée des appelés qui n'ont pas envie de faire cette guerre-là. Et qui probablement vont pas les suivre. Pourquoi ils se lancent dans une aventure comme ça, sachant que dans beaucoup de pays, ils seraient passés par les armes très vite, hein. En plus, c'était dangereux. Bah, ils ont un projet, ils ont un projet de société, c'est celui de la réforme pour l'Algérie, c'est l'émancipation des musulmans, combattre l'analphabétisme, construire des hôpitaux, mettre en place une administration, bref, tout ce qui n'a pas été fait. Mais ils n'ont pas conscience d'une chose, par contre, c'est que la décolonisation est là. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les indigènes, les colonisés, veulent leur indépendance politique. Et ça, ils n'ont pas cette perception-là. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en améliorant sur le plan social et juridique la situation, on va pouvoir garder l'Algérie et la France et avoir une autre Algérie. Une Algérie, comme ils disaient, leur vocabulaire, une Algérie nouvelle. C'était le vocabulaire de ces officiers. Mais c'était déjà fini. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris ce que De Gaulle, lui, par contre, avait parfaitement saisi, c'est que le temps de l'aménagement colonial était terminé. Parce que, du côté des Algériens, il y avait quand même une armée des frontières avec 60 à 80 000 hommes, quand même, qui étaient stationnés. Il y avait une Fédération de France du FLN très puissante, puisque, on le sait notamment par la consultation des archives policières, qu'il y avait 130 000 cotisants au FLN en France. 130 000 cotisants, c'est considérable, c'est gigantesque. On sait aussi, bien sûr, que sur le plan international, à l'ONU, la France était régulièrement condamnée. Donc, à partir de là, même si à l'intérieur du pays, ils avaient le sentiment de la victoire militaire et en même temps de vouloir réformer cette société, ils n'avaient pas cette perception large politique, pourrait-on dire, d'une situation qui ne pouvait pas donner des résultats. Le général de Gaulle, lui, en revanche, en tant que militaire, avait évidemment une vision très politique. C'était un politique jusqu'au bout des ongles. Absolument, c'était un militaire qui n'était plus tellement militaire, était surtout politique, depuis longtemps. Est-ce qu'il avait, il y avait un manque de confiance de sa part vis-à-vis des généraux qui étaient en Algérie avant le putsch, Oui, parce qu'il avait fait déjà ce qu'on appelle la tournée des popotes avant, et il avait une grande méfiance vis-à-vis des officiers supérieurs, parce que il savait que il avait eu une histoire, notamment avec le général Massu, par exemple, qu'il avait relevé de son commandement quelques mois auparavant. Donc il savait que les officiers n'allaient pas, certains officiers supérieurs n'allaient pas le suivre sur ce chemin politique. Mais lui-même, d'ailleurs, ne savait pas encore à cette époque-là qu'il allait aller vers une indépendance totale de l'Algérie à la France. Il était encore, disons, sur une orientation politique en 61 qui était celle de l'association, de garder le Sahara, par exemple. Parce que les négociations qui vont aboutir à Évian un an plus tard vont buter sur la question saharienne. Or, le général de Gaulle, encore à cette époque-là, pense qu'il est possible, disons, d'aménager. Lui aussi pense ça. Qu'il est quand même aussi possible d'aménager une présence française en Algérie. On sait que ça se passera pas tout à fait comme ça. Je ne sais pas si c'est le général de Gaulle qui a dit la guerre est une chose bien trop sérieuse pour la confier à des militaires. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il y adhérait, je crois. Oui, il adhérait complètement à cela, bien sûr. Benjamin Stora, on se retrouve dans 3 minutes pour... c'est-à-dire un troisième set, une troisième partie de cette interview. On parlera de l'oubli et de son antonyme, la mémoire. من بس هذه يزلي عجلي عجلي عجلي عجلي عجلي عجلي بتشكن تغرثي شانو تغرش afternoon we're serving SLE. Я хитрый для шлюзи и дахон. Чикен захуш ты шамны. Турашинун бетсады я зали. Ажери, ажери. Ажери, ажери. Benjamin Stora, historien, spécialiste notamment de la guerre d'Algérie, nous vous retrouvons avec plaisir. Alors, Maréchal, lui s'est rendu tout de suite, hein. Son procès comme celui d'André Zeller s'est déroulé un mois plus tard. Il a été condamné à 15 ans de détention et à la perte de ses droits civiques. Il est libéré en 66, puis amnistié par De Gaulle en 68. Salan, lui, est arrêté en avril 62. En mai, il est condamné à la détention à perpétuité. Quant à Jour, il a été arrêté un mois plus tôt. Il évite la condamnation à mort après la grâce du général. On se demande comment ces généraux arrivent à sauver leur tête, quand même. Parce qu'un putsch, c'est quand même la faute la plus grave que puisse commettre un militaire. C'est une trahison. Le général de Gaulle était très, très, très mécontent des résultats de tous ces procès. Il pensait que, en particulier, que Salan serait fusillé. Les avocats, enfin l'avocat principal, on le connaît, c'est Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui avait un certain brio, bien entendu. Et ça prouve quand même une chose, c'est que ces militaires, ces officiers supérieurs, avait quand même des sympathies à l'intérieur de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que le général de Gaulle pouvait compter sur l'appui, disons, de l'opinion publique au sens large, mais à l'intérieur de l'appareil d'État, les choses n'étaient pas si simples. J'ai évoqué l'existence de plusieurs centaines d'officiers supérieurs de l'armée française qui avaient des sympathies très fortes à l'égard des putschistes, pour ne pas dire des milliers d'officiers supérieurs, notamment lorsqu'ils sont partis, ils ont quitté Alger, je pense, au premier rang, puis qu'ils ont tous sont mis à chanter « Je ne regrette rien », qui était la chanson d'Edith Piaf. Je dis cela parce que cette chanson est devenue quasiment une chanson de marche pour les régiments parachutistes d'aujourd'hui. Donc c'est vous dire l'influence, la résonance, le prestige, disons, de ces officiers. Donc le général de Gaulle n'était pas content du résultat. Ça montre quand même son attachement au principe de la démocratie, parce que dans une situation comme celle-là, la séparation des pouvoirs, il la respecte, puisque c'est la justice. Et c'est important, ça, quand même. Tout à fait, tout à fait. Il respecte, effectivement, les jugements qui sont rendus. Mais il les respecte parce que, vous savez, de Gaulle est un politique, fondamentalement. Oui, bien sûr. Bon, et il sait qu'il a le soutien massif de l'opinion publique et qu'il sort renforcé, en fait, de la crise algérienne. Il est plus fort que jamais. Et en particulier, il sait aussi que ses adversaires politiques traditionnels, notamment à gauche, sont complètement, j'allais presque dire, laminés, désarticulés, inaudibles. On peut dire que l'opposition de gauche est complètement inaudible sur la fin de la guerre d'Algérie. Alors, j'en arrive à la mémoire, à l'oubli, c'est une question intéressante et grave. En 82, sous la présidence de François Mitterrand, donc les quatre généraux putschistes sont réintégrés dans les cadres de l'armée. 10 ans après cette intégration, vous publiez un ouvrage intitulé « La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie » où vous revenez sur les mécanismes de la fabrication de l'oubli, finalement, en France, par rapport à cet événement. Durant les années 80, c'est clair, il faut oublier. Alors, juste après, il faut oublier. On se dit, une guerre de trop, c'est la guerre totalement décalée. On pense bien à autre chose, à la croissance, à la consommation. Bien, et puis cette nouvelle génération, 68. Bon, dans les années 80, il faut encore l'oublier. C'est ce que souhaitait François Mitterrand en réintégrant les putschistes, en disant, allez, c'est bon, on n'en parle plus, on se réconcilie. C'est quoi le but de cette décision-là? Alors, vous savez, il y a deux types d'oubli. Il y a l'oubli de la société qui pratique presque un oubli nécessaire pour vivre. On a parlé tout à l'heure de ces appelés qui rentraient. Ils ne pouvaient pas vivre en état de remémoration perpétuelle, de rumination ou autre. Il fallait avancer, donc oublier l'Algérie. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'oubli classique, un oubli légitime presque. Mais il y a un autre type d'oubli, c'est l'oubli de l'État, organisé par l'État. Or là, François Mitterrand, lui, par contre, avait un passé algérien qu'il lui fallait effacé, parce qu'il apparaissait en 1981 comme le grand héros de la gauche de l'époque qui avait aboli la peine de mort en 1980. Or, le François Mitterrand de la guerre d'Algérie était un partisan de la peine de mort et beaucoup d'Algériens avaient été guillotinés. Donc il fallait faire oublier ce passé-là, d'où l'amnistie, bien sûr, c'est-à-dire cette forme d'amnésie organisée par l'État. Il obéit aussi à des considérations politiques sur son propre passé, sa propre trajectoire, hein, à François Mitterrand, combattu violemment d'ailleurs par, à l'époque, par Michel Rocard, hein, qui s'était, lui, engagé pendant la guerre d'Algérie du côté des Algériens. Hein, et je pense aussi à Pierre Joxe, je pense aussi à Lionel Jospin, qui était très très opposé à cette mesure d'amnistie et de réintégration dans les rangs de l'armée des généraux putschistes, bien entendu. Alors maintenant, on assiste à une sorte de guerre des mémoires, je m'explique, entre les nostalgiques de l'Algérie française, les enfants d'immigrés, la gauche, la droite, en janvier 2015, avant tout récent. Le maire de Béziers, Robert Ménard, né à Oran en 1953, a rebaptisé une rue de sa ville, rue du 19 mars 1962, en rue Commandant Élie Denoy de Saint-Marc, un personnage qui a participé au putsch. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, ça, d'exhumer comme ça cette... ce souvenir, pour en faire un usage politique, car c'est tout à fait politique, ça. Bah, les retours de mémoire, ils sont pas tous positifs, parce qu'on dit toujours, il faut plus de mémoire, etc. Vous savez, c'est un peu ce credo, maintenant, en général. Mais il y a des mémoires dangereuses, il y a des mémoires de revanche, il y a des mémoires de rumination, il n'y a pas que des mémoires d'apaisement, il n'y a pas que des mémoires de réconciliation. Et en l'occurrence, sur l'histoire du 19 mars, en particulier, on a vu, notamment cette année en France, une véritable guerre des mémoires entre ceux qui étaient pour et contre. Bah, grosso modo, ceux qui sont contre le 19 mars, parce qu'il y a eu effectivement des exactions après, notamment à Oran, etc., eh bien, dans le fond, étaient contre les accords d'Évian, tout simplement, et décidés par le général de Gaulle, voilà. Et dans le fond, ils ont toujours été contre la politique du général de Gaulle depuis le 20 mars 62. Ouais. Ils n'ont pas attendu le 19 mars d'aujourd'hui. Mea culpa, j'aurais dû consulter un manuel scolaire avant cette émission, je ne l'ai pas fait. Alors vous allez peut-être m'aider. Aujourd'hui, dans les manuels scolaires d'aujourd'hui, comment on présente la guerre d'Algérie? Elle est traitée maintenant, la guerre d'Algérie. Mmh. Elle tombe comme sujet au baccalauréat, bien sûr elle est tombée au CAPES, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la situation des années 80-90. Depuis maintenant les années 2000-2010, c'est une séquence d'histoire tragique étudiée en tant que telle, mais coincée encore entre la décolonisation au sens large et la question des institutions de la Ve République. Mmh. Alors là, il y a un problème de temps aussi. Hein. Les enseignants ne peuvent pas tout enseigner et tout transmettre. Mais néanmoins, parce qu'il y a des publics nouveaux, scolaires en particulier, notamment les descendants des immigrations postcoloniales, notamment algériennes, qui veulent savoir ce qui s'est passé, et puis aussi les enfants de pieds noirs, mais aussi les enfants de harkis, et qui s'interrogent sur ce passé. Et donc il faut leur apporter des réponses. Et donc il y a effectivement la guerre d'Algérie qui est bien inscrite dans les programmes. Benjamin Stora, nous courons un peu après le temps, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, une question et une réponse courte. Il y a des débats qui sont assez vifs quelquefois sur la repentance, alors ça va pour la guerre d'Algérie comme pour d'autres événements. Pensez-vous que la sphère politique doit statuer sur l'histoire? Vous savez, la position la plus simple, la plus classique chez l'histoire, c'est non, surtout pas, il faut pas qu'il y ait de mélange entre la politique et l'histoire, etc. Bon, voilà. Je suis pas aussi catégorique que ça. Je pense que l'historien est un citoyen. Et que un personnage comme Michelet, comme Vidal-Naquet, enfin je vais pas citer ici tous les grands historiens français, ont été des citoyens à gauche, mais aussi à droite. Oui. Hein, les grands historiens français, je vais pas les citer tous non plus, comme Taine, etc., ont été des gens engagés. Ils ont voulu donner un sens, une explication à l'histoire. Je crois pas à l'histoire neutre. Je crois pas à l'histoire détachée des contingences politiques. Vous croyez à la grille de lecture de l'historien? Oui, je crois. D'accord. Merci infiniment, Benjamin Stora. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Algérie 61, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Cédric Ossir et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot.